Voilà. Salut tout le monde. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Bec. Voilà. Ben, complété. Mais ça va. Pas mal. C'est toi que vous arriviez, mes pépéros, en attendant. Faut qu'on analyse mon corps. Ça va tout le monde ? Salut tout le monde. Bon, je fais une petite spéciale pour Espoir 21 aujourd'hui. Comme j'ai dit hier, ouais, on est en confinement, comme dit Pepelos. Chaque connexion, je mets 50 centimes d'euros. Donc voilà, à la fin, on regardera, hein, 50, 60, 100. Bah, on fera le calcul. Pas compliqué. Salut Christelle. Ça va, France 3 ? Salut Fifi, salut Perpignan. Tout le monde va bien, salut Richard. Tout le monde va bien ce matin. Vous avez bien dormi? Bon. Ouais, ça va, ça va. Salut Christelle. Salut Dom. Vous allez bien? Salut Sabi. Bonjour. Salut Vivine. Tout le monde va bien? Salut Astrid. Je suis pas fort en calcul, mais bon. Salut Didier. Ça va. Allez, on attend que tout le monde se connecte. Salut Fred, salut Joachim. Salut Cyril. On va attendre l'appel du matin. Salut Cyril, salut Olivier. Voilà. Salut Sonia, Lumi 45, ça va bien? Tout le monde est prêt? J'adore quand vous vous connectez comme ça. Salut Damish, ça va bien? Confinement, confinement, Pepelos, Cousanos. Tan, tan, tan. Salut Morgane. Oh le voir. Restez chez vous. Lundi, je suis en confinement. Voilà, c'est pas mal. Mercredi, on confinement. Allez. Jeudi, je suis en confinement. On va démarrer dans 2-3 minutes. Salut Christelle, salut Valerio, salut Alex, salut Sonia, ça va Sonia, la forme? Allez, une petite heure de mix. Ah, je crois que c'est l'appel du matin. Allô? Allô, allô, Atola, qui va là? Qui va là, je te prie? Salut, petit appel test. Ah, Dominique Leguet qui vient de se connecter. Salut Dominique Leguet. Alors, je voulais rappeler aux gens qui se connectent, voilà, donc... Ouais, je fais un don aujourd'hui pour Espoir 21. En fait, je fais 50 centimes la connexion. À chaque fois qu'une personne se connecte, je donne 50 centimes. Donc là, il y a déjà presque 30 personnes. Voilà, on multiplie. À la fin, on fait le calcul à midi. Et puis on dira... Bah, je t'entends mal, là. Tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends, mais très loin. Bah, je suis dans le micro, pourtant. Ouais, bon. Bon, je disais... Ah, ça va mieux. Voilà, je disais qu'à la fin, on fait le calcul et on aura une somme. Voilà, ce sera pour Espoir 21. C'est... On fera un petit don pour eux, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, donc 0,50 centimes multiplié par. Là, il y a déjà 32. Voilà, salut Laurent Billard qui est là, salut Cécile. Donc voilà, venez vous connecter, hein, c'est moi qui rince. Ça me fait plaisir. Pour les gamins, Dominique Leguet. On essaiera de l'avoir au téléphone, Dominique, avant la fin de l'émission, avant midi. Bon, on va essayer, on va tenter de te ruiner alors, on va tenter de partager, d'avoir le maximum de personnes. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est pas une question de win, là, c'est une question de faire plaisir. Voilà, c'est tout. Voilà, non, mais, ouais, alors, mais plus il y aura de connecter, plus ça va coûter. C'est ça. Salut, Mickaël. C'est salut, ça, les Laurent. Amis. Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah écoute, ça arrive tranquillement. Apparemment, je vois que t'as mis le verre devant, le petit verre. Ah, tu vois, tu le vois, Espoir 21. Ouais, à l'envers, mais à l'envers, le verre, mais bon. Un verre à l'endroit, ça va être compliqué. Hein. À l'envers, un verre à l'envers, c'est compliqué à faire. Hein. pas grave, on sait ce que c'est. Voilà, l'essentiel, oui, bien sûr, c'est savoir ce que c'est. C'est pas aller chercher, les gens ils ont bien... Bon, qu'est-ce que nous mets au programme aujourd'hui? Oh là là, ça va être du lourd, hein. Non, bah je sais pas, ouais. des souvenirs comme d'hab, hein. Ça descendra, salut Stéphanie Bier. On va démarrer avec un titre des 90, 80, fin 80, fin début 90, Alisha, ah, Baby Talk. Ok. Bon, bah écoute, mon petit père, Francky, on va y aller, hein. On va y aller, mon ami. Est-ce que t'es fort en maths, toi? Là, vous êtes 40. Moi, pas vraiment, en basique, quoi. Voilà, vous êtes 40 connectés, 40 multipliés. Bah 4 fois 5, 20. Voilà, ça fait 20 2 millions. 0,50. Ça fait... Bah 4 fois 5, 20. Et bah ça fait 20 euros, là, déjà. Bah voilà. Voilà, pas compliqué. Calculer bah non, c'est vite pas fait. Compliqué. Salut Elias. Après, tu peux rajouter des zéros, hein. Ouais. On rajoutera plus tard. Ah, Antoine qui est là. Donc Antoine... Allez, je te laisse, je coupe. À plus tard. Salut. Ciao, ciao. Bon, bah, vous êtes déjà quasiment 40 connectés, donc 40, 0,50 par 40, ça fait de 20 euros déjà, voilà, pas mal, hein. Donc on va démarrer dans quelques minutes, venez nous rejoindre, c'est une spéciale Espoir 21 aujourd'hui, voilà. Donc 0,50 centimes par nombre de connectés, ça fait un chèque de temps à la fin de la séance, ça sera à midi. Bon, tout le monde va bien, salut Antoine Amos, un bon anniversaire à Vito aujourd'hui, qui fête son anniversaire, salut Virginie. Tout le monde est prêt? Est-ce que vous êtes prêt pour une heure de mix? Hein, surtout restez connectés, puis partagez. Vous mettez, alors ce que vous faites, vous posez le portable dans le salon, vous poussez le son, puis vous vous laissez bercer par la musique, voilà, pendant une petite heure à peine, jusqu'à midi. Voilà. Salut, mademoiselle Sophie, Christelle. Voilà. 40 connectés. C'est bien, Isa. Ouais, 5. Voilà. Tout le monde est bien? Ouais, presque. Salut Antoine Amos. Comment il va, Antoine Amos? Ça va? Bah, allez, c'est parti. Alain, Alex, qui est là aussi. Putain, je vois mal de loin, c'est pour ça. Salut Alex, salut les zinzins. Ça va les zinzins? Ça va Zagazouille? Super, allez, on démarre. Allez, c'est parti pour une heure de mix. Restez connectés, on est en direct. Et avec un souvenir, forcément, pour rappeler les bons souvenirs, Baby Talk et Alisha. Allez, c'est parti. Tout le monde est prêt? Bon anniversaire à Victor aujourd'hui. Happy birthday to you, Victor. Passe un bon année, bah, sous le soleil. C'est l'apéro. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc 40 connectés, plus de 40 connectés par 0,50 centimes d'euros. Ça fait tant d'argent pour Espoir 21 aujourd'hui. Salut Stéphanie, allez rester en ligne. Sarah Vitor, salut Laurent Billard. Tiens, j'ai parlé de toi ce matin. On commence tranquille, hein. Les anciens là sont là. Salut la famille, salut les zinzins. Salut Estelle, salut Séverine, c'est parti. 0,50 centimes d'euros par connexion pour Espoir 21. Et on fera le chèque et on le renvoie, promis. Je vais pas cracher sur l'écran quand même. Salut Cyril! Salut le portable dans le salon et pousser le son. À tous les anciens, là, les zinzins sont là pour Sport 21 aujourd'hui. Allez! Allez, plus vous serez nombreux, plus on en fera un bon chèque pour Esport 21. Salut Jean-Marie, salut Perpignan, salut Fabienne. Commence tranquille là. Allô, qui va là, je te prie, on nous appelle. C'est qui? Allô? J'entends mal. Allô, allô? Allô, c'est moi. C'est qui, Denis? C'est Denis. Ah, Denis d'Espoir 21. Voilà. Bonjour, mon Denis. Comment tu vas bien, mon ami? Oh, oui, ça va très bien, pour Franquine. Bon, ça va? T'es en forme ce matin, Denis? Oh, oui. Ça te fait... Je suis en forme. C'est en forme. Ça te fait plaisir de me regarder là dans l'écran? Regarde, je fais coucou, tu me vois? Oui. Bonjour, Espoir 21. Oui, tu me vois? Oui, allô? Ouais, ça va les enfants? Oui, comment ça va? Bon, ça va très bien avec ça le... Ça va, Frankie? Ouais, avec le soleil, ça va très bien, mon ami. Oh, ça me fait plaisir. Ouais. Bon. Oui. Vous allez faire quoi aujourd'hui, Denis? Vous allez faire quoi? Aujourd'hui, je fais la cuisine avec papa. Ah, la cuisine! Bah, ça, c'est bien, la cuisine, hein. Ouais. Ah, c'est important, la cuisine, ouais. Oui. Bon, bah, je vous aime. Et je dirai à vous. Oui, tu voulais dire. Je dirai bonjour, Estelle Amos. Ah, Estelle Amos! Ouais, bah, elle nous regarde. Bonjour, Estelle Amos. Et Antoine aussi, on lui passe le bonjour. Hein? Oui, d'accord, oui. Bon, on vous fait plein de bisous, oui, les gamins. Oui. Allez. Oui, Francky. Bisous, bisous. Allez, bisous. Bisous. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oh, c'est mignon. Allez, venez vous connecter pour Esport 21 aujourd'hui. C'est mignon. C'est mignon, hein. Allez, venez vous connecter là, juste pour Sport 21. Voilà, vous êtes 50 déjà. Pas mal, hein, quand même, hein. Salut Amélia, c'est parti, une heure de mix pour Sport 21. On fera les comptes à la fin. Salut Séverine, t'es mignon, hein, t'as vu? Salut Stéphanie. Stéphane! Love light shine bright. Listen to my heart. Allez, venez vous connecter. Restez sur l'écran, hein, bougez pas. Let me fill your soul with all my dreams. À l'ancienne. You're a woman, I'm a man. This is more than just a game. Salut Patricia. Salut le 52. Salut Lance. Ah, Léna. Oui, Lance. Salut Aurèle avec Léna, bisous. Il y a un numéro si vous voulez m'appeler, il est là. Hein. Allez, c'est parti. Merci d'être nombreux le matin à me rejoindre. Salut Séverine. Spécial Espoir 21 aujourd'hui. Je m'appelle Francky, je suis à la radio. Vous êtes nombreux à le demander celui-là. Vous êtes nombreux à le demander. Salut Sébastien. Salut Ruslan. Du spécial Espoir 21. Faites du bruit. On est à Orléans aujourd'hui. Du spécial Italia. Vous êtes nombreux à le demander. Tout. Italia. Allez, spécial Espoir 21 aujourd'hui. En direct. La radio fait du bruit. Ora cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pensi poco di più, della gomma più ma tu. Allez, pour mes gamins, comme je dis tout le temps, hey. Salut Antoine Amos qui est là aussi, mon ami, mon fidèle compagnon, un lavoro strano e tu, ma va là, chi lo sai, mon manager, fino tu, sei più bella che mai, baci da un minuto tu, non ne dai, non ne dai, ti ti fatto entrare tu. Mi brucia sei tu, anche la mia marcia è più, ed un po' di follia. Nel rejoindre. Perché tu, come lei, non sei mia. Se mi fai l'amore ti canterò come se fosse una canzone. Salut Martine Griveaux. Salut Martine. Allez, spécial Espoir 21. On va fare les comptes après, hein. Salut Sophie. Salut. Allez, venez nous rejoindre en direct jusqu'à midi. Vous pouvez vous connecter, c'est gratuit, hein. Vous pouvez y a rien. Salut Christelle. C'est pour les gamins d'Espoir 21. Ah, ça rentre un petit peu dans la cagnotte, hein. Salut Charlotte. Le meilleur des souvenirs. Putain, on était jeunes, hein. Kylie Minogue. Salut Séverine. C'est pour Benoît, celle-là. Salut, Benoît. C'est bon, t'inquiète pas, c'est moi qui rack. 50 centimes par connexion, allez, c'est parti, il y a un peu d'argent dans la cagnotte. Et on fait le chèque après, on l'envoie. Allez, venez nous rejoindre en direct. À l'ancienne. Bisous Aurel, bisous Léna, appelez-moi là si vous voulez sur le numéro du fixe et passez en direct. Pas tout ça, Kylie Minogue. Faites du bruit pour Espoir 21. Allez les gamins, un gros big up à eux. Salut Fred, salut Christophe, salut Charlotte, salut Agnieszka, salut la Pologne. Salut le Portugal. Allez, c'est parti la cagnotte. Eh, 60, hein, connecté. Ça fait 30 euros dans la caisse, déjà. Hein. Eh, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, allez, venez vous nous rejoindre en direct. Patricia, Séverine qui est là, Florent qui est là, le Portugal qui est là, l'Espagne qui est là. Avec le meilleur des souvenirs. Non, je suis en caleçon, là. Salut les routiers qui nous regardent. Salut Fred. Salut les ch'tis, salut Émilie, salut Elodie. Allez, on y va. On met dans la cagnotte, on y va, c'est pour Espoir 21, c'est parti. Ah, c'est pas mal. Jennifer. Allez, le feu ici, le feu. Salut Fred, salut Sandrine. Le feu en direct. C'est extravagance. Firework! Ah, j'ai plein de souvenirs. Allez, c'est parti! allô, qui va là, je te prie? Allô, Francky. Oui, c'est qui? Oui, c'est Laurent. Ah, salut Laurent, comment tu vas bien? Bah, ça va, super. T'es en pleine forme? Donc, ouais, en pleine forme, là, j'appelle de chez moi, bien sûr, je suis confiné. Ah ouais, t'es con au filé, t'es quand même tueux. Voilà, alors je t'appelle pour t'annoncer une bonne nouvelle, j'ai bien aimé ton histoire de connexion, là, ça m'a plu, et donc ouais. on va doubler les montants. Ah, d'accord. En tant qu'associé. Ah ouais, d'accord, c'est toi qui double alors. Enfin, qui rajoute. Voilà, c'est moi qui double, eh ben, on fera bien. Les totaux donc, à midi, et donc voilà. Je rajoute le double. Bah, voilà, donc si on a 30 ou 40 euros, eh ben, tu rajoutes 40 euros, en gros c'est ça. Enfin, c'est ça. Eh ben, bravo, mon Laurent. Donc j'invite toutes les personnes qui t'écoutent, s'ils ont un bon cœur, à faire la même chose. Bah ouais, voilà, et eh ben c'est super, Laurent. Hein, voilà. Je te rappelle à la fin de l'émission, et puis on fait le point ensemble. Eh ben, il n'y a pas de souci. Merci, mon Lolo. Bonne émission, et puis t'assures comme tous les jours. Ouais, bravo. Je te reprends juste derrière. Salut, Lolo. Allez, salut. Ciao. Eh, sympa quand même, le Lolo. Hein. Il est sympa, hein. Eh ouais. Donc pour l'instant, 60 connectés, ça fait 30 euros multiplié par 30 euros qu'on rajoute Laurent. 60 euros pour Espoir 21. Bravo, bougez pas, on y va. Allez, bravo, Lolo. Laurent Billard. Salut Charlotte! Allez, envoyez des cœurs! Foutez-moi le feu ici avec Katy Perry et Firework! Putain, j'ai du lourd qui arrive là, à l'époque du Georges! Merci mon Laurent! Allez, dans 35 minutes, on fait les comptes, hein. Salut Edouard. Salut Micheline. Salut Stéphanie. On se rend au Cap d'Ag. Faites du bruit le Cap d'Ag. Salut le 64. Allez Virginia. À tous les anciens. À l'époque du George V, du Boléro. Lonnie Gordon. Salut Lolo. Salut Laure. Allez, fais faire du bruit en direct. Ah, Laurent, il a doublé la somme, hein. Et j'ai la bonne nouvelle aussi, il y a Antoine Amos qui a mis le double quasiment aussi. Voilà, que des bonnes nouvelles là. Salut Claudine. Bon anniversaire à Victor. Salut Sandrine. Salut Décathlon. Salut Julia. Oh putain, les souvenirs là. Mmh. Bravo Antoine. Antoine Amos, mon ami, mon manager. Salut Nadège. Sandy, allez, 30 minutes ensemble et on fait le compte. Non, on fait pas une course à la thune, hein. On fait vraiment ça pour faire plaisir. On va arrondir bien sûr à la... au nombre de connexions supérieures. Hein. S'il y a 57, on fait 60. Hein. Bah oui. S'il y a 63, on fait 65. Voilà. Mon ami Antoine, mon protégé, je voulais dédicacer aussi cette émission à ta maman Antoine, voilà. J'espère que ça te fait plaisir. Voilà, je le fais pour ta maman Antoine aussi. Je sais qu'elle m'aimait beaucoup et voilà, je voulais te le dire. Tous les anciens qui sont connectés jusqu'à midi, la radio va faire du bruit. Salut Loulou, c'est quoi ton vrai nom sinon? Loulou, c'est quoi? On est en direct, Extravadence. Jarba, salut la Tunisie, tous les jours ils sont là, salut Eugénio, le Portugal. Venez pour Espoir 21, à 65. On va faire les comptes après, hein. Et je reste toujours au nombre de connexions au-dessus, hein. Donc là on est arrivé à 65, bien joué les gars. Et les filles, vite. Salut Djerba, il fait beau Djerba. On appelle. Allô, qui va là, je te prie. On appelle à la radio. En direct, allô. Allô, bonjour Francky. Salut, la famille, ça va? C'est Stéphanie. Oui, oui. Comment tu vas bien Stéphanie? Bah écoute, je vais bien. Ouais. Avec ton énergie tous les matins. Ah, mais moi je suis pas sur énergie, hein. Je suis chez Francky là. Ouais. Je vais être obligé de me déconnecter là parce que j'ai un impératif ouais, ce matin. D'accord. Mais je reviens demain matin et je te proposerai des petites choses. Ah ouais, demain matin une émission radio demain matin, hein. Ça va être du lourd. Hein. Bon, ben voilà. Et... c'était juste pour vous faire un gros bisou ce matin. Ouais, merci ma chérie. Ça fait et plaisir. Et puis tu diras demain. Ah bah demain, et puis demain j'aurai des invités de ouf normalement. Hein. J'attends des réponses là, mais attention, hein. Ça va chier. Ça va chier. Bon, bah écoute, on attend ça avec plaisir et voilà. Ouais, avec à une demain. Bonne énergie toujours. Et puis demain, on prendra soin de nous. Ah avec de notre microbiote. Ça va être bon ça alors. Chaud demain. Parfait. Salut Stéphanie. Je vous embrasse très fort. Ciao. Ciao. Bon. Ouais. Ah ouais, demain matin, spécial radio et là, spécial espoir 21 jusqu'à midi. Ça va les zinzins? Appelle ce matin. Allô, qui va là, je te prie? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est qui? C'est qui? C'est Vénus. Salut Vénus, comment tu vas bien? Ça va, merci, et toi? Tu voulais passer un message? Ouais, bah j'appelle en fait pour saluer ton initiative. Ouais. Et je te dis bravo, bravo. Ah bah ça fait plaisir, c'est gentil. Tu fais pour l'association. Voilà, bah je le fais depuis longtemps et puis bah je voulais faire ça parce que comme je suis enfermé chez moi, je peux pas faire autre chose. Et bah voilà. Oui, autant t'occuper. Voilà, je m'occupe et là, tu joues un utile à l'agréable. Exactement. Hein. Bon bah ok, je te fais plein de bisous alors. Ok, Francky, allez, des bisous. Ciao, bisous. Eh, sympa, ah. sympa la famille. Eh ouais, vous êtes là en direct à la radio et c'est parti. Tous les anciens du boombox là. Salut la famille, salut la Réunion, on nous écoute à la Réunion, salut Dominique Lagadec. Donc on est monté à 67 connexions, on fera les calculs après. Multiplié par 2 parce que Laurent a mis et Antoine a mis aussi. On fera les calculs juste après, hein. À midi pile, en direct. Y'a pas de truand, y'a pas besoin d'huissier, hein. Je vois les choses, hein. Je suis monté à 67. On fait les calculs à midi. Salut Nadège, salut la grue, le grutier. On sera un rock'n'roll pour mon ami Dominique de Radio 5. MCSA, alright. In the heat of the night, pump up the party, turn up the light back. Antoine, il m'a envoyé un texto bizarre. J'en parlerai avec lui en privé après. Salut mon Antoine, suis bien le direct, hein. Restez jusqu'à midi parce qu'à midi on fait les comptes, hein. Et là à midi on va exploser les compteurs. Spécial Espoir 21 aujourd'hui, c'est les gamins. Salut Léna qui fait un coucou aux enfants. Bonjour ma Léna. C'est bon pour les enfants. Tu vas pas tomber. Salut Léna qui dit bonjour à Espoir 21. Salut Fred. Salut Estelle. I'm on the mission. Are you ready to rock steady? Run to run my airline to line. The motivation guarantee at all the time. The rhyme rock to the rhythm. The rhythm. Oh, les comptes, ça va être du lourd, hein, quand même, hein. Ah, ça va être sympa pour Espoir 21, hein. Dominique Leguet. Bonjour Dominique Leguet. Shake your body. It's MC's house hip house party. Like the rubber with a mic in a hand. Let's cut and stomp into the jam. Like a boat from the blue I'll break into. Allez, jusqu'à la fin. It's on you. It's about the time. So come on, get on up. Take it to the top. Don't stop. It's about the time. It's salut Séverine. Salut les zinzins. Ah, il arrête pas de tomber le verre. Bon, c'est pas grave, je le mets là. Voilà, je le mets ça dedans, comme ça. Pour Espoir 21. It's on you. Salut Tom Tom, salut Nicolas, Benjamin. Ah, oh, c'était bon ça, MC Star and the Win Michael. Voilà, Bella. Et pour toutes les filles qui en ont des gros, bah c'est pour vous là, à l'ancienne, la radio fait du bruit. Hey! Ça rappelle les souvenirs sur Énergie. Salut Annabella. On essaiera d'avoir Mitsu. Rappelez-vous l'ancien animateur d'Énergie au téléphone demain. Ça va être du lourd. Salut Séverine. Allez, 24 minutes et on fait les comptes. On a monté à 68. Allez. Ça va les zinzins? Salut Laurent. On vous donnera la somme exacte à midi. Il y a Laurent Billard qui a mis 100. Antoine, je vais le dire à l'antenne après tout à l'heure combien il a mis. Il a mis un chiffre de ouf, hein, si j'ai vu passer un message là, je crois. À midi, bougez pas, on fait les comptes, hein. Restez jusqu'à midi, la famille. Salut les zinzins. Salut les routiers. Ah ouais, les bons souvenirs Nadège, hein. Tout le monde est là? Tout le monde est ready? 20 minutes, on fait les comptes, bougez pas! Salut les zinzins! On appellera Dominique Leguet en direct. Ça va mes enfants? Salut Emmerich, salut Julie. Salut Cad, amène les Scud. Donc je vous rappelle, il y a eu 67, 68 connexions. Donc c'est pas compliqué. 34 plus 34, 68, Laurent. Et puis je vous annoncerai la somme de Antoine juste avant la fin du live. Allez, on va repartir avec un peu d'argent, les gamins. Hein. Ça me fait plaisir pour eux. Et c'est grâce à vous qui êtes connectés là. Bougez pas. À midi pile, on fait les comptes. C'est moi qui fais lui ici. Hein. Salut Fred. Là, ça va Victor aujourd'hui, à plus barzer. Allez, 19 minutes, on va faire les comptes. Préparez-vous. Les potes du boombox. Salut Séverine. Poussez le son. que je t'aime mon cœur. Ah, c'est mignon. Je vous ai des bons messages. Salut Fred. Je suis à 100%, moi aussi Fred. Et surtout restez en ligne là. Restez en ligne parce que dans moins de 20 minutes on va faire les comptes. Et grâce à vos connexions justement, plus vous restez, plus l'argent sera là pour Espoir 21. Et on fera le chèque. Patricia. Appelez vos potes, connectez-vous. Appelez vos potes, connectez-vous. Ça sera déguisé. On passe à la semaine prochaine. Salut Stellana. Salut Nadège. Patricia. Qui fait du bruit aujourd'hui. Alors à midi on fait les comptes vite fait, je vais calculer ça et puis on appellera Dominique d'Espoir 21 pour lui annoncer la somme. Alors surtout ne bougez pas, ne bougez pas avant midi, il vous reste 15 minutes. Avec vous en direct, la radio qui va faire du bruit. Salut Jen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh de choler, Nadège. Allez, à peu près 10 minutes, on fait les comptes. Bougez pas la famille des Zaza. Ouais, je vais te la présenter, Antoine. Je vais te la présenter, mon Antoine. Pas de problème. Alors, si on est coupé, je reviens, vous inquiétez pas. Hein. Allez, moins de 10 minutes, on va faire les comptes. C'est pas mal. On est pas mal pour un petit direct. Grâce à vos connexions, puis grâce à Laurent, puis Antoine, voilà. On est pas mal, bougez pas. 9 minutes, on fait des comptes avec vous. Salut la voisine. Ça va, my love? Salut Ange. Vous êtes prêts à faire les comptes dans 7 minutes? Je les ai déjà fait, hein. On va vous annoncer le chiffre. Grâce à vous qui êtes venus aujourd'hui. Salut Laurent! Allez, 5 minutes au calme, on se fait les comptes. Bougez pas la famille. Ma calculatrice. July, hey, another one bust the dust. Est-ce que vous êtes prêts à balancer des cœurs? Je vais vous annoncer. en 3 minutes le chiffre. Another one bust the dust. Another one bust the dust. Ow! Another one bust the dust. Hey, hey. Another one bust the dust. Ow! Another one bust the dust. Hey, hey. Another one bust the dust. Ow! Another one bust the dust. Hey, hey. Another one bust the dust. Hey. Another one bust the dust. Hey, hey. Another one bust the dust. Ow! Another one bust the dust. Hey, hey. Another one bust the dust. Laurent Billard, Francky, merci, let's go. Prépare-toi Laurent, je vais annoncer la somme dans 3 minutes, même pas. Merci à toi, merci Antoine, merci à vous, grâce à vos connexions, et ben on a récolté un peu d'argent. Là j'avais dit 50 centimes, je mets de ma poche, voilà, bon, ça me fait plaisir. Sympa, une petite somme sympa, vous allez voir. Dominique Legui, on l'appellera derrière, j'espère qu'il va répondre, le président de Espoir 21. Allez, on se prépare. Donc, j'avais dit 50 centimes par connexion. Vous savez, hier, 50 centimes d'euros. Hein. On a eu 75 connexions. Voilà. Donc, j'ai calculé. Ça fait, on va arrondir à 38. Voilà, 38 euros. 38 euros que moi je donne. Bouge pas, Dominique, on va t'appeler. Hein, Dominique, hein. Dominique, on va t'appeler. Laurent Billard, donc rajoute le double. C'est ce qu'il avait dit. Enfin, la même somme, 38 euros. 76, donc, si je me trompe pas. 76 euros. Voilà, donc, 76 euros. Et Antoine Amos m'envoie un message, il met 100 euros. Voilà, donc ça fait 176 euros pour Espoir 21. Et grâce à vous, et grâce à Laurent et Antoine, on peut vous applaudir. Allez, envoyez des cœurs, et puis on va appeler tout de suite Dominique Leguet pour lui annoncer les 176 euros. Voilà, en direct. Ah, j'adore les portables. Voilà, 176 euros pour Espoir 21. Voilà, on arrondit, ouais, 40, ouais, ça fait ça, ça fait, allez, ça fait 180 euros, voilà, 180 euros pour Espoir 21, j'arrondis à 180 euros, voilà, on arrondit, ouais, ouais, Laurent, ouais, j'étais dans les calculs, moi, et ben, 180 euros, et on appelle Dominique d'Espoir 21 pour lui annoncer la bonne nouvelle, ah, c'est magique, hein, vous avez vu, voilà, je veux des cœurs pour Espoir 21, ça sonne, Dominique Espoir 21, voilà, ça sonne, c'est presque la valise RTL, hein. Allô, deuxième sonnerie, c'est presque la valise RTL. Dominique Leguet, va-t-il répondre? Ouais, 180, c'est ce que j'ai dit, Laurent, voilà, 180 euros. Alors, Dominique. Allô. Allô. Bonjour. Ah, bon, on va le rappeler, c'est pas grave, on va le rappeler, il va répondre. Non, bougez pas, on va le rappeler, il va répondre, Dominique. Réponds, Dominique, si tu nous entends, c'est moi qui t'appelle. Voilà. Tan, tan, tan. Allô. Allô. Dominique Leguet. Allô. Oui, ça va, Francky. Bonjour, mon Dominique, je t'ai pas eu au téléphone ce matin, comment tu vas bien? Eh ben, écoute, avec le beau temps, et puis avec toi, qui a fait cette super live, voilà. C'est super. Alors, voilà. Un grand, grand merci à tout le monde. Alors, je t'explique la nouvelle, d'abord. Attends, je t'explique la nouvelle. Donc, j'avais dit 0,50 centimes par connexion, on a eu à peu près 80 connexions, c'est ce qu'on dit. Donc avec les connexions plus Laurent Billard qui a rajouté, qui a dit je double la somme, Laurent Billard qui est connecté, et puis Antoine qui a rajouté 100 euros, pour l'association Espoir 21 avec un live comme ce matin, tu as récolté 180 euros, Dominique, voilà. Waouh, super, merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. Voilà. Merci à Antoine, à Laurent, à tout le monde. Ouais. Et à toutes les personnes qui se sont connectées. Voilà, donc 180 euros. C'est très gentil de votre part, et ça me touche beaucoup. Et on va t'envoyer ça rapidement, hein, avec mon associé Laurent, mon nouvel associé. Et puis Antoine Amos, on va s'arranger, on va t'envoyer ça rapidement, d'accord? Pour le confinement. D'accord. Voilà. Et ben je te remercie beaucoup. Merci voilà. Beaucoup. 180 euros. Moi aussi, je vous aime, les enfants. On a récolté 180 euros en moins d'une heure comme une émission radio pour vous, pour Espoir 21. C'est bien ? Eh ben, voilà. Merci beaucoup. Super, mon bon père. On te fait des bisous ? Allez, gros bisous. Bisous. Salut. Bisous, Francky. Ciao, bisous, je vous aime, les familles. Est-ce que Laurent Billard peut nous appeler avant qu'on quitte l'antenne ? Laurent Billard, et puis on va commencer avec Laurent. Laurent, appelle-nous d'abord. Voilà, le temps que ça arrive à Cognac G, comme on dit à l'époque. Restez connectés, on va attendre que Laurent Billard nous appelle. Ça va les zinzins, en tout cas merci à tous ceux qui sont connectés, parce que grâce à vous, bah, 50 centimes plus 50 centimes plus 50 centimes, ça a fait une telle somme. Laurent Billard a doublé la somme, et puis Antoine Amos a aussi quasiment doublé la somme. Voilà, donc on a récolté 180 euros. Bien, pour l'association Espoir 21, voilà, merci pour mes gamins, merci pour les gamins, et on va voir si Laurent, ah bah, non, c'est pas Didier qu'il faut qu'il nous appelle, c'est Laurent Billard. Est-ce que Laurent peut nous appeler, Laurent, s'il est encore connecté, voilà, ou Antoine Amos, si tu veux nous appeler, Antoine, appelle-nous Antoine, si tu veux, sur le numéro, pas sur le mien, hein, sur le numéro qui est écrit là, voilà, appelle-nous là, ou voilà, un des deux nous appelle, pour vous remercier. En tout cas, voilà, je pense que c'est... Allô ? Laurent ? Oui ? Salut Laurent ! Oui, c'est pas Francky là ? Si, c'est Francky là, pourquoi ? Ah, je t'avais pas reconnu, excuse-moi. Ah ouais. Alors, j'ai fait les calculs, j'ai arrondi, comme tu disais, on a arrondi. Alors, ouais, c'est super. Voilà, 100, ouais, bravo. Voilà, ça faisait 40 ouais. euros plus 40 euros, donc eh ben voilà. J'ai mis 40. Je suis bien content pour ton association là, ça voilà. Me fait plaisir. Et puis bah, c'est pas la mienne, mais je m'en occupe un petit peu aussi. Oui. Voilà, mais voilà, mais c'est pareil. Alors, grâce à toi, grâce à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui là sur sur le live, on a on a mis. Attends, il m'appelle, je vais le reprendre après. On a mis 180 euros, voilà. 180. Voilà, j'ai entendu. C'est bien, hein. Ouais. Ah, c'est super. Bon, bah, nous, on va se rappeler, puis on va s'arranger pour envoyer un chèque rapide, hein. Oui, y a pas de souci. Hein, voilà. Ouais. Bah, en tout cas, grand merci à vous, le côté de la radio, surtout. Je dis la radio. De rien, t'assures. Ouais, ouais, bravo. Même les gens, bravo pour tout ce que tu fais, chaque jour, hein. Ça met du baume au cœur, là. C'est une période difficile. On va se foutre à poil, hein, tout à l'heure, hein. Merci, Laurent. Allez, à plus. Bisous. Ciao. Et Antoine Amos qui nous a appelé, on va l'appeler aussi Antoine. Et merci Antoine Amos aussi. Et merci à vous, surtout grâce à vos connexions. Ben voilà, on a mis un peu d'argent à la pâte. Et on a récolté en tout 180 euros. Alors, Antoine Amos, il nous appelle. Oui. Ouais, bonjour monsieur Amos. Bonjour mon Francky. C'est la valise RTL. Voilà, ouais. J'ai pas gagné, mais bon, c'est pas grave. Alors, il y a deux trucs, Antoine. Toi, nous, moi, j'ai mis en gros les connexions, donc ça correspond à 40 euros exactement. Laurent Billard, eh ben, il a doublé, ça fait 80 euros. Et toi, tu rajoutes, c'est ce que tu as dit, 100 euros, c'est ça? Alors, je rajoutais 100 euros, et puis comme je vois qu'on a 180, ouais. Eh ben, je vais rajouter 120, donc ça fait 200 euros. Et ben voilà, 200 euros, on est à 200 euros, voilà. En tout cas, Antoine, merci du fond du cœur. Je sais que tu tenais à cette association. Comme les tiens. Alors, je voulais juste préciser une chose, c'est un peu grâce à toi, si j'ai connu Espoir 21, mais c'est même grâce à toi, il y a 4 ans, hein. Ouais, toi, tu t'en occupais à merveille, hein. Et puis après, bah, moi, je suis arrivé. On a fait des choses pour eux. Et puis, bah, là, on a fait un petit live. Voilà. Bah, on a 200 euros pour eux, hein. C'est bien, hein. Super. On a fait des grandes choses. Ouais. On a fait un tournoi de football, un concert. On a fait plein de trucs super. Alors, là, j'ai fait ça pourquoi? Je vais vous expliquer, les auditeurs. Et puis, toi, Antoine aussi, tu le sais. Parce que je devais faire un truc au bowling, tu sais, là, au mois d'avril. Oui, là. oui, tout à fait. On devait faire une matinée au bowling. Et puis, tous les fonds étaient reversés par le Factory, Richard Leroux. Le boss du Factory, et puis bah ça a pas pu le faire parce qu'il y a eu cette merde de Corona, hein. Le virus, ouais. Voilà. Je dis cette merde, hein, c'est voilà, j'ai envie de le dire, faut être honnête, ouais. Hein. et du coup bah je dis faut que je fasse un petit truc quand même pour eux, voilà, c'est pas grand chose. C'est bien. Mais en tout cas, grâce à toi, grâce à Laurent, puis grâce aux connexions, parce que c'est aussi les personnes qui se connectaient. Oui, bravo à tout le monde. Voilà, bravo à vous. Ouais, voilà. Donc, tous ceux qui sont connectés, ça ramène, grâce à vous que vous êtes connectés, bah, vous avez donné 50 centimes. Donc, tout le monde a participé. Voilà. Alors, comment, j'ai vu plein de gens que je connaissais. Ouais. Donc, je les embrasse bien fort aussi. Voilà. Et puis, courage. Voilà. Voilà. Voilà, c'était une petite initiative de notre part. Et alors, vous inquiétez pas, personne n'a rien payé. Hein. Moi, j'avais dit, c'est moi qui m'organise de tout. Donc, c'est grâce à vous, grâce à votre connexion. Je mettais 50 centimes, 50. Et en tout, avec Laurent, avec Antoine, et puis vous, et puis moi, eh ben, ça a ramené 200 euros pour l'association Espoir 21. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Voilà. Exactement. Donc, puis, j'embrasse bien sûr Dominique, ouais. Claire, Marie, Clémence, Denis. Et leur chien, loup. Ah, loup, ouais, on l'a oublié, le petit loup. Oh, j'espère qu'il va bien, mon loup. Salut, ma voisine. Ah, ma voisine. Ah, on la kiffe, ma voisine. Salut, Fred. Voilà. Bon, voilà, mon Antoine, on s'appelle en antenne. Enfin, on se rappelle. Ouais, pas de soucis. On s'appelle en privé. Hein. Okay, ouais, pas de soucis. Salut, mon ami. Et vous aussi, hein. Bah, en tout cas, je vais vous reprendre et puis on va se quitter. Voilà, ça va être l'heure. Voilà, en tout cas, merci. Voilà. Alors, ouais. En fait, il y avait aucune demande, hein. C'est grâce à vous, votre petite connexion. Bah voilà, on va faire un petit don à l'association. Donc 200 euros en tout pour Espoir 21. C'est ce que je voulais dire. Je vais mettre un petit post sur Facebook pour vous remercier là dans 5-6 minutes. Merci du fond du cœur. C'était pour l'association Espoir 21. Et c'est réel, hein, on va vraiment envoyer un chèque. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui nous appelle. Est-ce que je prends un dernier appel. Allô, qui va là, je te prie. Salut Francky, c'est Emeric. Oui, bonjour Emeric, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille, on est bien sous le soleil là, hein, non? Bah ouais, c'est ça. dis-moi, la raison de mon appel, c'est ouais. Est-ce que c'est possible de rajouter 20 euros? Ah bah oui, tu mets ce que tu veux, hein. Même 2 euros, ça suffit, c'est pas grave, hein, t'inquiète pas. Moi, je le faisais pas dans le but d'avoir 3 millions, c'était juste pour... voilà. Bah pour non, voilà. Je voulais le faire pour le confinement des gamins, hein. Ouais, bah c'est clair. Allez, bah je rajoute au nom de l'association Seventing, on rajoute 20 euros. Eh ben bravo à l'association, merci à vous Émeric. Ah, vous êtes merveilleux, merci à Séverine, hein. Belle association aussi qui lutte aussi. Explique un petit peu pour qui vous luttez, vous. C'est ça. Voilà, vous luttez pour qui Émeric? Explique aux auditeurs, ceux qui nous regardent. De quoi la sclérose? J'ai pas compris. La sclérose en plaques, ouais, c'est ça, vous luttez contre la sclérose en plaques, c'est ça? Ouais, voilà, on lutte contre la sclérose en plaques, voilà. C'est exactement ça. Et eh ben merci pour les 20 euros là, pour l'association Espoir 21 alors, merci. T'inquiète c'est pas. Ça, et je te souhaite une bonne journée. Ouais. Et puis merci pour tout ce que tu fais. T'inquiète pas, je ferai plein de trucs toute ma vie, hein, en tout cas, jusqu'à temps que je sois sur Terre. Bisous. Ça marche, bisous. Et voilà les amis, on va se quitter, donc voilà, grâce à vous, grâce à Antoine, grâce à Laurent, et ben l'association Espoir 21, mes amis trisomiques, ben vont repartir avec 220 euros parce qu'Emeric vient rajouter 20 euros. Merci, je vous fais plein de bisous et on se retrouve demain à 11h. Salut les tchos, ciao, ciao.